Cieux rouges, j'en ai marché toute la nuit pour un tabac seul doux. On est allé se poser dans le lit de son papa. Il me dit qu'il a pas confiance en moi, que je dois compter cher. Si mon ex était la pire de toutes les galères, mais je préfère me taire. Quand elle appelle, il lui dit que ça va. Quand elle raccroche, il me dit que je suis la reine de Saba. J'suis dans ton bain, t'es ma com, j'me baigne. Side chick, non, pas la peine. Mais go sur le terrain, depuis peu on règne. J'suis dans ton bain, t'es ma com, j'me baigne. J'crois qu'ils pensent que j'suis sa side chick. J'crois qu'ils pensent que j'suis sa side chick. J'crois qu'ils pensent que j'suis sa side chick. J'crois qu'ils pensent que j'suis sa side chick. J'suis dans ton vent, t'es ma comme j'me baigne. Side chick, non, pas la peine. Mes go sur le terrain, depuis peu on règne. J'suis dans ton banc, t'es ma comme j'me baigne. J'veux tout, j'aime pas faire de choix. J'aime pas être pissé, t'es fou. J'serai jamais le dessert, j'suis trop épicé. Voix douce, c'est toujours le détail qui l'a attiré. Feu rouge, j'ai reconnu la voix de la petite Kismet. Il a trop vu limitless. Charo toujours à toute vitesse. J'crois qu'il a trop vu limitless. Charo toujours à toute vitesse. J'suis dans ton bain, t'es ma comme j'me baigne. Side chick, non, pas la peine. Mes go sur le terrain, depuis peu on règne. J'suis dans ton bain, t'es ma comme j'me baigne. J'crois qu'ils pensent que j'suis sa side chick. J'crois qu'ils pensent que j'suis sa side chick. J'crois qu'ils pensent que j'suis sa side chick. J'crois qu'ils pensent que j'suis sa side chick. J'suis dans ton vent, t'es ma comme j'me baigne. Side chick, non, pas la peine. Mes go sur le terrain, depuis peu on règne. J'suis dans ton vent, t'es ma comme j'me baigne.